Et ce point-là, notez bien qu'il est différent d'un autre point qui est similaire, qui est en lien avec l'intention des ablutions du début jusqu'à la fin, mais yani, en se rappelant que tu es en train de faire les ablutions, et à chaque fois que tu laves un membre, tu te rappelles que les péchés sortent de ce membre jusqu'à avec la dernière goutte, et que tu es en train d'accomplir une adoration immense qu'Allah aime, et avec laquelle sera distinguée notre communauté le jour du jugement dernier. Et de se rappeler que les mérites et les vertus de cette adoration, ça, c'est recommandé. Et ce n'est pas une condition de validité comme celle qui a précédé. Bien évidemment, quelqu'un qui fait l'adoration et qui se rappelle le mérite de cette adoration et ainsi de suite, il aura beaucoup plus de récompenses que quelqu'un qui ne pense pas du tout à toutes ces choses-là. Lakin, ce n'est pas une condition de validité. C'est quelque chose de recommandé. Et ça, c'est dans toutes les adorations. C'est dans toutes les adorations. Et ce qui t'aide à être ainsi, c'est de lire régulièrement les textes par rapport aux mérites et vertus de l'adoration concernée. De lire l'ahadith et de lire les versets. Le verset dans lequel Allah nous décrit les ablutions dans Surat Al-Ma'ida. De lire ces versets et de savoir que tu es en train d'obéir à Allah avec cet acte d'adoration sans lequel tu ne pourras pas faire la salat. Et tous les vertus qui ont été rapportées des ablutions dans l'ahadith authentique également. Et le rappel est bénéfique pour le croyant.